Aujourd'hui à Assemblage requis, on parle de nouvelles geeks dans la chronique technologique CNX. Et Maxime Lemieux-Laramé nous fait ses suggestions de musique à télécharger. C'est à 15h à Assemblage requis.